23 février 1838. Voilà 5 jours que je n'ai rien écrit sur mon journal, et pourtant il s'est passé des événements qui méritent d'être notés. D'abord, Hélène va mieux. Elle a repris un peu d'enjouement. Pendant que je suis en train de tracer ses lignes, je l'entends rire avec sa sœur dans le petit salon où elles bavardent toutes les deux. Je ne lui ai pas encore annoncé que j'allais partir. Il faudra que je m'y décide demain, car mon départ aura lieu dans 2 jours. Je vais faire un bien curieux voyage. Je ne m'attendais guère avant-hier matin à être obligé de m'en aller aussi vite. Quand je suis arrivé au bureau ce jour-là, M. Knock m'a fait dire qu'il m'attendait avec impatience. Comme je ne suis pas très exact, j'avais peur que ce fût pour me faire des observations. Mais pas du tout. Nous eûmes ensemble ce dialogue. « Bonjour, Monsieur Uther. »« Bonjour, Monsieur Knock. »« Comment va Madame Uther ?»« Beaucoup mieux, je vous remercie. » S'intéresse-t-elle toujours aux livres kabbalistiques ?« Non, Monsieur Knock, non. Ce médecin le lui a défendu. » Monsieur Knock passa la main sur son crâne chauve, corne de petites touffes de poils au-dessus des oreilles, me regarda d'un œil plein de malice et me dit « Monsieur Uther, tous les médecins sont des ânes. J'estime au contraire que mon ami Belwer a parfaitement fait dans la circonstance en empêchant ma femme de se bourrer la tête avec d'effroyables récits. C'est que Madame Uther ne possède pas encore assez la science parfaite. Évidemment, les premiers contacts avec les mystères sont toujours pénibles. Mais après, mon cher Uther, que de satisfaction et que de joie. Vous trouvez? On se sent le maître du monde. Est-ce que vous vous sentez, vous, maître du monde, quelquefois? Quelquefois. Il continua de me regarder de ses yeux inquiétants comme ils sont souvent, et brusquement éclata. Je connais le maître des ténèbres. C'est un homme formidable. Il est mon Dieu. Pour lui et par lui, j'irai au bout du monde. Pour lui et par lui, je mourrai s'il le fallait. Il est... Mais il s'arrêta tout à coup. Je respectais son mutisme. Ce fut lui qui reprit la parole. À propos, monsieur Uther, fit-il. « Aimez-vous les voyages ?»« Cela dépend. J'entends. Aimeriez-vous vous éloigner de chez vous ?»« S'il le fallait, certes. »« Avez-vous besoin d'argent ?»« Je ne suis pas riche. » »« Alors, si vous n'êtes pas riche, et si vous ne répugniez pas à quitter Wisborg pour quelque temps, j'ai une affaire à vous proposer. »« Une affaire ? » ?»« Oui, et magnifique. » »« Dites vite. » »« Tout doux, monsieur Uther. C'est assez délicat. »« Je ne sais pas si vous êtes homme à vous aventurer là où je vais vous envoyer. » « Parlez toujours, monsieur Knock, je verrai bien. » Il me fit asseoir à côté de lui et m'expliqua. « Connaissez-vous le comte Orlok ?»« Non, monsieur Knock, vous en êtes sûr. » « J'ai beau chercher, je ne me souviens pas d'avoir entendu prononcer ce nom. » « Tant mieux. » « Mais c'est pourtant celui d'un personnage illustre. Il habite dans les forêts de Transylvanie et possède un des plus grands domaines de ce pays. Je suis en relation avec lui. » « C'est la première fois que je vous en entends parler. »« Peut-être. »« Et c'est ce comte Orlok qu'il faudrait aller voir ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Eh bien voilà. Il désirait acheter à Wisborg une maison en ruine. »« En ruine, quelle idée. »« Il fait ce qui lui plaît. »« Et là n'est pas la question, monsieur Uther. » »« Je disais donc qu'il désirait acheter une maison en ruine, et cette maison, c'est celle qui se trouve en face de chez vous. »« Ah, par exemple. »« Cela vous étonne. » »« En effet. » Je n'avais pu cacher ma surprise, car cette demeure m'a toujours paru extraordinaire et j'ai toujours pensé, je crois l'avoir noté, qu'il faudrait qu'un seigneur habitât là pour la remettre en état et pour y donner des fêtes splendides. Ça m'étonne, oui et non. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cette maison bizarre me paraît digne d'un original, car je ne doute pas maintenant que votre client, le comte Orlok, ne soit un original. Sans doute, monsieur Uther, le comte Orlok n'est pas un homme comme tout le monde. « D'ailleurs, vous le verrez si vous voulez bien accepter la mission que je vais vous confier. »« Dès maintenant, elle m'intéresse. » M. Knock se frotta les mains. « Alors, me dit-il, vous allez partir le plus tôt possible pour le pays des fantômes. » Je sursautai. « Vous voulez rire ?» M. Knock n'avait pas cette intention et il le fit bien voir. Ses yeux lancèrent des éclairs et sa voix gronda. « Qu'y a-t-il de risible là-dedans ? Et croyez-vous que je me permette des plaisanteries quand il s'agit du comte Orlok ? « Je vous demande pardon. »« Je parle sérieusement. » »« L'endroit où réside le comte s'appelle dans toute la région le pays des fantômes. »« Pour quelle raison ? Je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est un fait. » Son château, qui est un des plus beaux et des plus anciens de Transylvanie, a auprès des paysans des alentours une réputation d'étrangeté. Le pays des fantômes est évidemment assez peu fréquenté par les voyageurs, mais vous n'allez pas là-bas pour votre plaisir, vous y allez, je vous l'ai dit, pour faire une affaire. Comment devrais-je m'y prendre? Dites-moi d'abord si vous voulez bien y aller. Je réfléchis une seconde. Je ne suis pas de ceux qui se laissent intimider par les propos volontairement mystérieux de leur interlocuteur. Il fallait se risquer dans le pays des fantômes. Pourquoi pas dans ce pays-là plutôt que dans un autre? C'est entendu. J'accepte, monsieur Knog. Il parut satisfait. Quand vous serez là-bas, vous verrez le comte. Vous lui donnerez le plan de la maison que je vous remets. Vous lui ferez signer ce papier qu'il engage à payer une somme au sujet de laquelle vous débattrez. Quelle somme dois-je demander? 50 000 couronnes. C'est cher. Ça n'a pas d'importance, monsieur Uther. Le comte payera ce qu'on voudra. Je peux même vous assurer que si vous demandez 5, 10 ou 15 000 couronnes de plus, il vous les donnera et vous les garderez pour vous. Oh! N'avais-je pas raison de vous dire que c'était une excellente affaire? Si. Donc, c'est entendu? Oui. Quand partez-vous? Quand voulez-vous que je parte? Ce soir, si vous pouvez. Non, c'est un peu tôt. C'est pressé. J'entends bien, monsieur Knog. Mais il faut que je prévienne ma femme, que je prépare mon bagage. Si je vois, c'est dans votre intérêt. Il faut combien de jours pour aller là-bas? 2 jours de voiture jusqu'au pays des fantômes et, je pense, une demi-journée de marche après. De sorte que je pourrais être rentré dans une huitaine. C'est bien, je partirai après-demain. Monsieur Knog m'a serré la main avec effusion. Il m'a répété par 2 fois. « Bon courage, voyageur du pays des fantômes. » Mais je crois que c'était pour m'impressionner. N'empêche que je n'ai encore rien dit chez moi, et que je n'ai pas l'intention de raconter à Hélène que je m'en vais au pays des fantômes. Cela l'effraierait certainement. Elle n'a pas besoin de ça.